Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance le 6 août 2010. Nuisances. It is the 6th of August 2010. You're on Canal Sud 92.2 on the dot, or in the area if you like it like that, or canalsud.net. Song's gonna kill everybody in the whole fucking world, I know it. So fuck it already. Tu as arrêté le travail sur le contact? Tu as arrêté de montrer le contact? Oui, j'ai arrêté, je fais ce que je veux plus. Ouais, tout ce qui est intéressant. Vos gueules, il y en a marre. On va tous crever de toute manière. Vous allez tous crever en enfer d'une manière atroce, genre avec le bide ouvert et ça va puer les entrailles pourries. Elle va coller au plafond et elle va te couler dessus et elle va dire merde à toi, elle va dire merde, la merde, elle va dire merde à tout le monde, elle en a rien à foutre, la merde de toi, de quiconque, la merde, elle vous encule. Toc. Toc. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que j'étais ouf? T'as dit que j'étais ouf ou quoi? T'as dit que j'étais complètement barré, c'est ça, hein? T'as dit que j'étais complètement ouf, c'est ça, hein? T'as dit que j'étais ouf et que t'allais crever en enfer avec moi? Eh ben non, t'as tort. C'est toi qui vas crever en enfer. Parce que moi, je vais aller au paradis, tu vois. Au paradis des abrutis. Et les crétins, parlons-en des crétins. Les crétins, ils pensent rien. Ils pensent que dalle, les crétins. Ils pensent qu'à merder la chiotte. Ou à puruler la fiente. Ou à squatter un terrain vague sur une merde. C'est ça qu'ils pensent. Ils pensent que de la merde. C'est vraiment une merde. C'est vraiment une merde. Une merde, une merde, une merde dans le cul. Une merde dans le cul. Une grosse fiente. Cette vie de chiotte. Plutôt crever que vivre. Damné sois-je. Vite. Ça vient ou pas? La damnation. Vite. Vite, je vais m'énerver. Elle vient quand cette putain de damnation de merde là? J'ai pas envie d'être patient. Je préfère être constipé. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net, you're on Canal Sud 92.2 or CanalSud.net. It's nuisances, c'est nuisance. C'est l'horreur de ma vie de merde. J'en ai rien à foutre. C'est l'horreur de cette vie de chiotte. Je chie dessus. Crevez. Crevons. Crevons l'abcès. L'abcès dentaire. L'abcès nomade. L'abs tout court. There's something happening on the well. They're all stinking. It sucks. Big dick. Sorry, I didn't mean to. It's all gonna fuck up anyway. Who gives a shit? Fuck it. Fuck you. Fuck everybody. That's what I must do. I must fuck everybody at the same time. I'm all gonna kill you stupid dumb shit motherfuckers. Stupid dumb shit motherfuckers. You're all gonna die. Do you hear me now? You're all gonna go deaf. I can hear this. I can stand it. But can you? Stupid. Fucks. I don't give a fuck. I'm the stupidest of all. I'm the fucked up. Most of the fucked up. Of fucked up of all. I don't give a shit. Just shoot me down. Fuck. It'll save me a suicide. Please do it fast and neat. Please. Fuckheads. Il y a un instant, je parlais en anglais pour dire que le McDonald's vaut bien le coup car le quick est dans ton burger, connard. Qui que tu sois, m'entends-tu? Les lignes entrecoupées de vagues sentiments, je vois une émotion se construire, un total laps de temps. Plutôt que nénir, j'encule la passade. La blague me fait dorer au four les limaces atrophiées. Va te faire enculer, connard, j'en ai rien à foutre. Tu vas te faire crever l'abcès chez Jean Foutre. Alors, qu'avons-nous à dire à présent? Toujours pas grand-chose, y'a toujours rien à dire. Je vois bien que vous crevez de merde, et que vous allez de pire en pire. Vous allez fondre bientôt, dans un laps de temps défini. Je répète bien l'anatrophie, car j'en ai rien à foutre des mots. Les mots, ça veut rien dire, parce qu'on en a rien à foutre des mots. Compris? Sur un intervalle doré, j'en ai rien à foutre, plutôt crever. de cette vie de merde. Nous sommes en live direct, la platine vient de sauter. Quel matériel de merde! Ah là là, c'est incroyable! Comment je vais faire pour réparer ça? Ah, c'est vraiment la merde, je suis perdu. Comment faire? Je n'associe pas les trous du cul avec moi-même, puisque j'en suis moi-même un ou deux. Je ne sais plus compter d'avance, perdu sur l'anus doré, au four, comme les limaces tangentielles. Une tangente démentiellement conne, c'est pour moi, je vous l'accorde et je vous le donne. Dans le mille, vous êtes tous niqués. Merde. Merde, merde. Complet merde. Up the whole time, it's all gonna die, we're all gonna cry and die peacefully like fuckheads we are, we're gonna die forever. I know it now, I hope it so much, I love that idea, I think it's beautiful, to me it's like perfection, you know. To me, I'll caress that fucking idea my whole fucking life, and I'll fuck it the whole fucking way. I know fuck. No exploitation. Pas d'exploitation. Je n'exploite pas les choses. Je les dément. Je dément tout. Tout le monde. Allez tous vous faire enculer. C'est ça qu'ils nous disent, ces connards. C'est ça qu'ils nous disent, ces putes. Elles nous disent des merdes. Toutes ces personnes de merde. J'ai pas envie de fréquenter. Conscience de notre réalité, nous sommes abusés. Abusés par le pouvoir de l'État étatique. Authentique dans le cul. Je le gratte avec mes ongles, tellement et fortement ancré. Créé de calcium, une calcite récalcitrante. Je ne peux pas dire laquelle, il y a toujours un abus. Toujours partout, je vois toujours des autres annulés, fabulés, déambulés. Faire des bulles. Alors défabulons un peu, croyons en l'état étatique un peu, puisque c'est ça qu'ils veulent. Nous voulons croire en un état qui détique partout sur cet état de merde. certes, mais je ne vais pas vous prendre pour des cons. Vous n'avez donc pas compris. Alors croyons en l'obnubilance du caractère. Car il y a toujours un état plus serein, n'est-ce pas? Mais il n'est pas ici, il n'est pas sur Canal Sud à 21h30 le vendredi soir, si, zut, 2010, non, il n'y est pas. Alors, allons tous nous faire entuber, pardon. Je veux dire, faire enlacer par d'autres mémoires et déboires que je sais, je n'en sais rien après tout, et je m'en fous. Car de mémoire, je m'en suis toujours foutu. Tant que je sache. Et bref, ne parlons pas trop de moi, parlons de vous. Because I will say so. Okay. So why not get together and fuck one more time? That's what I'm talking about, yeah. As usual. The only reason to my fucking life is fucking, of course. Un mauvais départ. I've got to say this. Je te le dis. True. And it's how I've seen it. Les nuisances infligées, causées par cette émission sont totalement mise sur la responsabilité de vous-même, puisque vous pouvez not ne pas écouter, finalement. Okay. Vous pouvez. Vous savez, non, vous pouvez ne pas écouter. Peut-être écoutez-vous un peu trop, je ne sais. En tout cas, des deux côtés, je m'en contrefiche toujours, et c'est ma vision de merde partout qui fait que vous écoutez cette émission ce vendredi, pardon, de déblatérer des âneries comme d'habitude sur un terrain neutre. Comme ça, je ne m'en pas trop, quoi, à part dire des conneries de merde. Je suis un imbécile, ça va, ne vous inquiétez pas, je ne fais rien de mal, je ne fais qu'évacuer ma périodique angoisse, elle est putain de périodique, ouais, c'est très périodique, ouais, we will all be thrown away. Dished away like pans and creams. I mean, pies like everywhere. And they're all wasping. They're all reaching. They're all lingering about those one-eyed freaks. Whispering again. I wonder what's gonna happen to them. They all hate us, don't you know? I know. Don't you? There's been a kind of a way there, and it's still going on, you know, it's still going on, as I've known before, there's a pleasure in the instantaneous kind of a freak pleasure is the one I'm wondering about, you know what I mean, like there's some kind of monster inside me. I know it now, and you probably know it too. I know it's all been quite a haywire for the instant, but like now you're connected, you won't leave the whimsical. The tragical, glorious, whimsical, tragical, glorious thing about it. There's something you want to hang on to, isn't there? There's something that makes you hang on to life. You know it. Just to find what it is the meaning of this, you call it. Existence, I mean. Placidly overlooking. The wombats fly over my heads and they're passionate about something. I don't want to know what's it about. It's gotta be wrong, it's gotta be passionate, it's gotta be rotten inside. I don't want to know. And as I was saying before, whispers are whispering again against the skulls, and they keep on going on and going on forever, you know, like it's just been passed there. It's just been passed the later. Lately, I kind of set up, do a little thing, you know, going on, and they've all gone away. They've all left the place. They're probably wandering something, or somewhere, should I say, wandering somewhere, and that's what I meant. They're probably wandering somewhere in the whole ways of this stupid shit. How could I say this? I was just saying, fuck it, you know. Placidly looking over these wombats flying. Life here, I mean, existence, as I've said before, is not to be taken lightly. It is a fact of life. You cannot talk about the cutting. You cannot talk about it. And I don't want to know what that goes on and the things there. There is something weird going on. Something is being changed around me, and I know it's not what I wanted, it's what I felt. So, can I trust my feelings? Yes. Can I trust my wants? No. There's no way in hell you'll ever want something more than what you feel, is there? No, I don't think so. So, this, takes us somewhere, too, and I know it's not a discussion I'm having with myself. Hope it's not the discussion I'm having with myself, don't I hope it's not a discussion I'm having with myself, or do I hope it's a discussion I'm having with myself? I don't really know anymore. Disgusting little creature. After repeating the stupid sentence for about 15 fucking times in a row, I don't want to know what's happening inside my head, and I don't want to know what's happening in the street. I don't want to know what's happening. Okay. So how's things going on, man? I don't know. I just don't know. I can feel things going on, and I know they concern me, but I just can't whisper along the highways of the distasteful living thing I am. See what I mean? Like, hating just leads you to more hate, and hate just leads you to more hate, too. It's like this, you know? It's like that. It's like everywhere. It's like I don't feel anymore. I just shit along this highway of a road. It's really rowing away, way, way, way. It's really rawing away, away, away, away, away, away. It's really cutting up the edges of a tragical bulbous, bulbous, should I say. Doop, doop, doop, doop, doop, doop, dubious kind of state of mind. There I am with you all. As I have already said. This is not an impression. This is a real emission of a message. There's a message going on. It's just there to the taking, for the taking, for everybody, for the taking, man. And that's what it's all about. Better now. I'll be able to talk about what I was thinking about a little bit earlier on. I was thinking about some stupid shit. I can't remember. But I can still talk about it. Well, talk about it. J'étais dans la rue tout à l'heure quand j'ai vu des mecs passer et j'en ai rien à foutre de ces gars-là. N'est-ce pas horrible d'être dans cet état-là? Non? Réfléchissez bien. Réfléchissez-y bien. Bien, je veux dire, en vous curant la langue de déchets radioactifs qui purulent dans votre cerveau et dans votre nez. Ainsi, vous êtes né sous une belle étoile. N'est-ce pas, tous, cette belle étoile est en train de vous ronger, vos acidités. Elles deviennent basiquement flouées. Flouées. Vous avez bien entendu, flouées. They're false. Forever. They'll always be dead and whatever else. Now I know there's no solution to your problems, because you're always stupid and fucked up. And you know you're always stupid and fucked up, because you know you don't want to be intelligent anymore. Because you know being smart and all just leads to more hate and more pain. And more anger and more stupid manifestations of stupid, fucked up situations in your head that get up fucked up, and all those people want to sell you money and sell you dough and sell you cream and sell you whatever bling. They know that's all they fucking know, stupid shitheads, fucked up. And I don't care what you're saying. I don't care what you're thinking. Do you hear me, you? Do you hear me, you over there? Go away. Go away. You don't deserve this shit. You don't deserve shit. Maintenant, je parlais à l'instant de la situation troublante dans un sous-bassement individuel. Qui se zona en zone active de la BA431 sur ZY. Pour les dyslexiques, ça veut dire, et pour les numismates aussi, nous n'avons rien à foutre, restons placides, nous sommes stoïquement installés sur une bonbonne de gaz. Une bonbonne de gaz dans le cul. Placidement installé avec la bonbonne de gaz dans le huc. Alors restons stoïques, n'ayons pas peur de la mort. Craignons la vie, la belle vie de merde qu'on nous offre, ces enculés, eux, et... Oui, vous êtes bien mort, déjà mort. Vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mort. Mort de merde, mort de purulence, mort de merde puante, de merde atrophiée, de merde. L'ai-je déjà dit puante? Je m'en souviens plus, j'ai une mémoire de poisson, c'est parfait. Pour faire cette émission, il faut une mémoire de poisson, ne pas se souvenir des mots qu'on vient de dire. Did you get the message, man? Okay, I don't think so. I think we're insane. I think we're going on, man. Tragical, yeah. It's dement. Dementia. Oh, Ganya. Talk to myself. I love that. I love talking to myself. Hey, what's up, man? Hey, what's up, man? I don't really. Je ne sais pas vraiment. Ne me fais pas penser au royaume de l'autre. Le ciel est impressionnant de merde. Et les cieux sont. On voit de merde. Ouais, c'est ça, connard. Ta gueule. Alors, ainsi, c'est une interprétation un peu déblatérante que je vous offre ce jour. À ce jour, je n'ai pas vu la bête encore immonde, humaine, traverser le champ. Je ne souhaite pas la voir. J'espère que c'est bien enregistré. J'espère que c'est enregistré, car je ne souhaite pas la voir. Cette bête immonde et sauvage, rute, humaine, toujours passionnante de la façon dorée de brûler en impé, à la flatulence de l'extrême sur une passade donc toujours tergiversée, toujours déblatérée d'une passion délivrante, quoique deux fois il y a, non, trois, que la passion est quittée de la barrière de la transparence, que la passion est quittée de la barrière de la transparence. Il n'y a toujours pas de passion à Ça y est, c'est parti. La voie est toute tracée. Elle est tracée même d'un doigt bleuté. Sur le métal rouleur. La rouleuse en métal. La lureuse. La lurie. Libre même. Même qu'elle libre la roue de rouler. La folle. Rouler encore, toujours. La saisonnière. Roulons la roue. Prenons la roue et roulons-la la roue. Enroulons-la de roulade. Toujours aussi tangentielle. Tendance à se dénigrer. Paraît placide. Plate même. Que l'effet n'est pas celui recherché. L'effet n'est pas recherché en ce cas. En ce cas, l'effet n'est pas recherché. La barrière de l'ultime est toujours face à soi, ayant passé et dépassé le derrière de soi. Ou plutôt le derrière soi. Bien que la passionnante tergiversation est toujours déblatérante, la folie meurtrière n'est plus saisonnière, mais bien absente. C'est possible. L'autosuggestive ne fait pas souffrir. Et toujours. Toujours. C'est ainsi que j'ai vu les passionnantes dorures mourues. Alcramé comme macramé m'a toujours dit. Toujours été présent. C'est si évident que la trace dans mon nez bleuté et d'un azur fondant. L'amertume ne quittant pas la dorure morue à le crever. Tendance. Pourriture. Pourrissant. Putréfaction purulente. À le cramer. Alfini de la finitude. Our finished of Aldivisant. The finitude. Our is blowing and glowing. Dévisageant, même and que l'inconnu n'est pas sodomisé. Sodomized. Il est mendiant, souffretant, il souffreteux. Oh yeah, whipping. Ce mensonge est d'une ville mécréance. Oh, la merde que j'ai dans bad, la tête me sort par les trous de balles et le oh, nez. Damn. Le nez, la I voix, la parole, toujours d'un instant posé, an prévu, instant. Comme prédit. Mais si évident que rien n'est faiblesse, rien n'est toujours la meilleure anymore. Solution Because que la anyway, façonnance du club sur un échantillon donné de clubber. We don't care. La clubure. Et d'une façon ouvrant morue, que la passion toujours perçante ne perçoit pas, alors que la finitude de la personnortens arkis okonomelech tokenomelakanech sofakede achemelech, je ne vois toujours pas la passion débilitante, je ne vois toujours pas la passion débilitante. Sa possibilité est tout à fait possible que l'être en question soit un peu dément. Tout à fait possible. Ne le connaissant pas, nous n'allons pas juger, mais jauger le problème. Jaugeons un peu la situation. La situation est telle que, à l'instant T, l'être donné n'est toujours pas soigné. Ou sain. Sain d'esprit, le putain d'être qui va se faire enculer par tous les autres êtres de merde. C'est sûrement vrai et réel ce que je dis, non ? Tout à fait, mon seigneur Absou, tout à fait, mon seigneur Absou, nous sommes tous Absou, et je ne le suis pas, pourquoi ne serais-je pas ? Après tout, nous sommes égaux, je suis Absou. Tout à fait, Absou, de mes péchés de merde, véniels ou pas, on n'en a rien à foutre, déjà, les veines, j'y ai pas encore touché, et je ne compte pas y toucher, non. Les veines du seigneur, seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur, sa nomenclature, toujours à base de con, toujours à base de con. La base de tout, c'est le con. Après, c'est le cul. Et le trône est couvert de merde, et de sang, et de boyaux, de tripes, et de mort. En avant pour la gloire de merde que j'encule. Qui a besoin de s'exprimer. de suite, il est bientôt 22h. On est-il déjà? Non, toujours pas. 22h, l'heure fatidique ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe à 22h. Je n'en sais absolument rien. Et vous écoutez l'émission Nuisance. Ça pète du feu. Prout, prout, prout. Dans nos gueules. Je dis ça parce que ça pue. Vous voyez, genre ça pue. Oui, vous ne le saviez pas. Eh bien, vous le savez maintenant, la sodomie ça pue. Désolé. Si vous voyez un peu le procédé, je mets en évidence les bruits de manipulation pour vous induire en erreur. N'écoutez pas une émission, mais bien un bruit de fond. Un bruit de fond. Car c'est un bruit de fond atmosphérique que nous vous proposons ce soir sur Nuisance. Nuisance, Nuisances, the show, the emission of waves in the air that reach your ears and you're fucking stupid, don't care. Whatever, j'en ai rien à foutre. De toute manière, il est 22h. J'espère que les petits ont couché. Parce que ça fait un petit moment que j'en ai rien à foutre. Voilà. Merde. Bon, alors ne plus insulter les gens, ne plus craindre, ne rien faire de merdique. Compris. Je vais m'y atteler tout de suite. C'était bien, non? C'était bien, hein? Ça fait un putain de truc, ça. Si j'arrive à le faire en live et le reproduire à donf. Ah, c'est beau. Rien à dire. Okay. Que faire d'autre à part écouter le silence de nuisance? Quel beau silence que celui-là. Ou celle-là. Oh, ça dépend quelle langue, bien sûr. Quel langage. Atmosphérique toujours. Ça reste ambiant. Lentement, atmosphériquement. Blablabla. Ça continue. Écoutez ça. C'est génial. C'est vraiment top. Ça mérite bien des holas, des applaudissements, des bavardements, des trocadéros. La place de l'Union européenne. Ça mérite tout ça et bien d'autres choses encore. Car c'est blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, Denver, j'en ai rien à foutre. Et ça me revient encore, et j'en ai toujours rien à battre. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on réfute ou pas? So here it is, that's what it's all about. I hope I'm not gonna say shit or fuck in the next two sentences. Blah blah blah, chicka chicka chicka, There, I didn't say shit or fuck. Yeah, yeah, yeah, blah, blah, blah, blah, la, la, la, la, la, la, la, la. I'm gonna put this a little bit louder. Can you hear this? Can you hear me? Can anybody answer? No. No. No. So that's what it's about, and I don't care. It's all the same. Now this is what has been done up till now, tonight, on Nuisances, on Canal Sud, the canal that is sued. I have no idea what that just means. Anal scud though works. Anal scud up your nose. Not to say your asshole. You know what I mean? Your rectum or your sphincter or your nose bladder or your gore hose. Your fleshy, stinky, putrid soul. stupid body, dumb shit. I will not look at myself in the mirror tonight, that's for sure, with all the shit I've just said. That's for sure. Did you get that? Stupid. The dumbest whore in the business is me. It didn't slip. Do you know what that means? Fuck up. But you don't care. Cause I know what it means. I know you're fucked up already. Fuck up. Fuck. Plages de France et de Navarre. Navarro même. Je lui rote à la gueule, Navarro. Gros Navarro. Le gros de Navarro. Navarro qui rote sur son gros gros. Bien gras. Éructance ce soir dans Nuisance. Et toujours flatulence, comme d'habitude, prout. Car c'est l'émission de toutes les flatulences et de toutes les... que disais-je? Vous avez compris. Next pack. Next pack. And you know, still don't know what's happening there, et vous ne savez toujours pas ce qui se passe. Là. Quand il y en a des associations d'idées que l'on évite dans cette émission, en écoutant que le bruit, oui, le bruit, de fond, du fond du bruit. Nous sommes ensemble pour encore trois quarts d'heure de merde ou de folie, ça dépend comment vous le prenez. Si vous le faites à Dorothée, voilà, Al, c'est moi, et donc Al, il dit merde, voilà, c'est tout. Encore trois quarts d'heure de merde sur Nuisance, l'émission de toutes les merdes. Ça rime pas avec Hans, mais j'en ai rien à foutre. Ce soir, c'est pour vous, tout le monde, cadeau de Al, une grosse merde. un gros son pourri. Si vous n'avez pas de bonnes enceintes, tant pis pour vous, vous n'entendez absolument rien. Ou quoique, si peu. L'entendre ne suffit pas, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut l'azurer. L'azurer, le bois doré au four, des limaces toujours présentes sur un abscon. Ainsi, l'abscon translucide, pervers, animateur de radio qui n'en a rien à foutre, c'est bien moi dont je parle. Je ne parlerai pas des autres ainsi, je dirais plutôt des autres. C'est plus facile. Ça va plus vite. Ça va plus vite comme ça. Vous m'entendez ? Eh bien oui, ça va plus vite de dire des bêtises que de dire des choses sages. Des choses sages, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est déjà pas mal. Intelligence que je viens de dire. Donc restons dans l'intelligence ce soir. Notamment en matière de choix sonique. Ou de terminologie graphiquement, phonographiquement, bizarroïde, mais même je dirais plus bizarcoïde. Le choix musical est toujours musical. Tu dire, un musical n'est pas de moi. Voilà, il n'est pas de moi, le choix musical, il est de moi. Vous n'avez rien compris. Très bien, ça me regarde. L'acte ne se fait pas transitoire, mais bien présent. Il n'est pas réfléchi et bien obnubilé par l'attention. Il est pourtant bien suant celui-là, pétrifiant l'azur, la lazur même, la pétrifiant, pointant du bout de son nez. Le bois, ah oui, le bois, ah oui, vas-y, le bois. Vois-le donc. Vous allez servir d'expérience. Sur l'intercom, unication. Communication. La sublimation se fait sur la tension. La tension déviée devient attention tendue. Oui, tendue. Et la tension toujours présente est obnubilée par la tension toujours absente, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Car elle était là, celle-là, au moins. Savoir comme moi, eh bien on devrait les abattre. Oui. Et pourtant on ne les abat pas. Pourquoi, papa? D'émerveillement sur ce territoire obscur qui est la damnation infernale pour l'éternité des êtres. Point. Nous ne devons pas éliminer la pensée, nous devons la ralentir. La ralentir. N'est-ce pas? Toujours cette maudite acture comme rature. toujours passionnant ou toujours débilitant. À vous de choisir. L'interprétation des rêves. La folie guette, la folie guette. 22h30, le vendredi 6 août 2010. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est l'émission Nuisance au pluriel. It's Nuisances, you know, Anal Scott 92.2 FM or canalsud.net. Anal Scott and Nuisance are different. Nuisances is like something else, okay? Pourquoi dire qu'il y a un avenir alors qu'il n'y en a pas? Car le passé n'existe pas non plus dans un monde sans haine, ni désinvolture, ni quoi que ce soit qui empêche la droiture de merde que je chie dessus, même que c'est à chier la droiture de merde, parce qu'on se fait chier quand on est droit, c'est pour ça que personne n'est droit dans ce monde de merde. N'est-ce pas? Ça, c'est pas moi, c'est Mac Farid, crois-moi. C'est cool, c'est vraiment cool ce soir sur Nuisance. Un peu trop cool à mon goût, quoi. Mais bon, on va pas réveiller les choses, on va laisser les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Elles sont tellement belles, les choses, qu'on va pas les tâcher. On va pas tâcher de les tâcher, les choses. Hein. Les choses, on va les laisser comme ça, les choses. Hein. On va pas les toucher, hein. On va pas les tâcher. Hein. On va faire ça, les gars, d'accord, hein. Les choses, comme on dit, eh ben, on va pas les faire. On va pas les faire. On va pas se les faire. On va pas se les faire. On va faire. Comme si on n'avait rien à faire. Voilà, rien à faire à part rien faire. Voilà, parfait. Ça, c'est bien, ça. Dans mon monde, c'est tout ce que j'ai. Il est bientôt 23h, c'est l'émission Nuisance. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM sur Toulouse, France, ou canalsud.net sur le net. You are on Canal Sud 92.2 FM in Toulouse, France, or on canalsud.net. And this is the show, it's called Nuisances with my own self. There's about 5 minutes left, il reste à peu près 5 minutes de show. Suivez le show, man. Woman. Whatever, fuck. Face. Fucking. Fick. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck.